L'Institut international des idées de justice a organisé le 8 au Palais de la culture du peuple à Pyongyang le séminaire international des idées de justice sur l'indépendance anti-impérialiste et la solidarité à l'occasion de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Y ont pris part Harish Gupta, administrateur général adjoint de l'Institut international des idées de justice, ainsi que d'autres délégations et délégués des organisations d'études des idées de justice de divers pays et régions du monde. Il était également présent Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, et d'autres fonctionnaires intéressés. À la suite du discours d'inauguration, il y a eu l'allocution de félicitations. L'orateur a dit entre autres « La tenue du séminaire international des idées de justice sur l'indépendance anti-impérialiste et la solidarité, alors que l'humanité aspire plus que jamais à l'indépendance, revêt une grande importance. Les organisations d'études des idées de justice doivent livrer plus dynamiquement les études et vulgarisations du communisme Kim Jong-unisme qui a énergiquement encouragé l'œuvre d'émancipation avec sa force d'attraction exceptionnelle au sein de larges masses et agrandir sans cesse le rang des adeptes des idées de justice. La cause juste sous le drapeau du communisme Kim Jong-unisme finira par triompher. Unissons-nous étroitement sous le drapeau anti-impérialiste et œuvrons dynamiquement pour édifier un nouveau monde libre et paisible, exempt d'agression et de guerre. » Les autres orateurs ont expliqué en détail les problèmes pour accélérer l'émancipation du monde en étroite union sous le drapeau anti-impérialiste et indépendant ayant pour guide des idées de justice. Ils ont décidé de livrer plus énergiquement les études sur les idées de justice, de les vulgariser de façon plus variée, de rallier tous ceux attachés à l'indépendance, à la justice, à la vérité et au progrès, et d'agrandir le rang des pivots. Les participants au séminaire ont adopté une lettre à l'adresse du camarade Kim Jong-un.